Chapitre 2e. Le président franchit le rideau en gros damas vert qui sépara la salle du sanctuaire et alla s'asseoir au milieu d'un frémissement flatteur au fauteuil bleu de ciel préparé pour le recevoir. À peine était-il assis que le médium fit son entrée. Non moins bien accueilli que le président, il alla prendre place à son fauteuil rouge écarlate. Le président Arthur Daniel était un homme de 40 à 45 ans, riche d'une belle masse de cheveux rouges qui allait se mêler à de forts favoris encore plus rouges que ses cheveux. Sa figure de lion, mais d'honnête lion, s'encadrait avec plus d'ensemble qu'on ne le croirait dans ses touffes enflammées, dans cette bordure incendiaire. Bouche belle, nez fondu, regard plein d'honorabilité. Sur les quais de Brighton, je l'aurais pris pour un capitaine de commerce, aux environs d'un marché pour un riche boucher. Là où je le voyais pour la première fois, je ne savais vraiment quelle profession lui assigner. Quelle que dût être cette profession, M. Arthur Daniel n'avait pas, à coup sûr, le physique de l'emploi. On se figure, si je ne me trompe, un évocateur d'esprit très maigre, diaphane, un souffle dans une ombre. Le souffle eût renversé un bœuf, l'ombre m'eût écrasé en me coudoyant. J'avais un moyen bien simple de me tirer d'embarras. « Quel est ? » demandai-je tout bas, M. Urbinol, « la position sociale du président. »« fit-il. Voilà des qui m'annoncent d'abord qu'il est très riche. Je connais ma prosodie anglaise, mais où a-t-il gagné cette grosse fortune ? Ce n'est pas, je présume, en évoquant les esprits. Quelle est sa profession sur la terre ? Il n'en a jamais eu aucune. Il tient ses grands revenus de son père, riche serrurier de Londres, qui avait gagné immensément dans les serrures, espagnolettes, tringles, rampes, garnitures de cheminées fournies par lui au prince de Galles. Plus tard, George IV, quand il faisait construire ici le fameux pavillon si connu du monde entier sous le nom de pavillon de Brighton, splendide extravagance. Enfin, cet habile serrurier gagna tant dans ses fournitures que le pavillon de Brighton étant sur le point d'être vendu, par expropriation, bien entendu, il se présenta pour l'acheter. Jugez s'il était riche. Heureusement, le Parlement vint encore une 30e fois au secours du prince prodigue, et le pavillon de Brighton ne fut pas vendu à la criée. Maintenant, vous comprenez très bien, acheva l'excellent M. Urbinol, pourquoi M. Arthur Daniel, notre président, n'a pris aucune profession. Oui, je comprends aussi pourquoi, répondis-je à M. Urbinol. Toutes les ladies qui sont ici, jeunes ou vieilles, laides ou jolies, grasses ou maigres, brunes ou blondes, l'enveloppe de regard si attentif et si tendre, et pourquoi elle murmure tant d'éloges à son adresse, tant de compliments qu'il doit nécessairement entendre. Mais tout ceci ne dit pas pourquoi il prend un si vif intérêt à l'évocation des esprits. La cause de cet intérêt n'est un secret pour personne, me répondit mon complaisant interlocuteur. M. Arthur Daniel médite sur une grandiose idée. Il travaille de tête à un vaste projet qu'il est sur le point de réaliser. Comme tout le monde, il a remarqué que les esprits, sans qu'on explique au juste pourquoi, se plaisent beaucoup mieux dans l'Amérique du Nord qu'en Europe. Vous-même, monsieur, avez sans doute fait la même remarque. Je l'ai faite, cher monsieur Urbinol. Ils affectionnent les États-Unis, d'où ils nous sont venus, et particulièrement les localités américaines placées au centre des solitudes. C'est là qu'ils accourent sans difficulté, sans lenteur, dès qu'on les appelle, tandis qu'ils ont de la peine à nous répondre en Europe. Souvent même, ils ne répondent pas. Voyant cela, M. Daniel a conçu le dessein de fonder, dans une vallée tranquille de l'Amérique du Nord, une ville uniquement consacrée à l'évocation des esprits. Les habitants de cette ville n'auront pas d'autre occupation. Ils évoqueront du matin au soir tous les personnages historiques de tous les temps, depuis Adam jusqu'à Lord Wellington et au-delà. M. Daniel se fait fort de réunir, avant de quitter l'Europe, une population immédiate de 10 000 spiritiques qui le suivront sur le steamboat de Southampton. 10 000, sans compter les Américains qui vont grossir ce chiffre dès que la ville des esprits entrera en construction. S'il n'est pas encore parti, c'est qu'hésitant entre divers États, plusieurs provinces et une foule de localités où il pourrait jeter les fondations de sa nouvelle cité, qui portera, c'est arrêté, le nom de Spiritville, localité également tranquille, silencieuse, également favorable à son sujet, il attend que les esprits, qu'il ne cesse de consulter avec ferveur, lui dictent le meilleur choix. Cette déférence lui est imposée par le caractère même de son projet, c'est bien le moins, n'est-ce pas, monsieur, que les esprits donnent leur avis quand il s'agit, pour ainsi dire, de leur logement. Dans chaque séance publique, il les interroge sur ce point délicat avec le plus grand respect, et il inscrit tout au long leurs réponses dans un livre spécial. Quand les réponses différeront moins entre elles, car jusqu'ici, il faut l'avouer, elles sont marquées par de bien grandes différences, M. Arthur Daniel prendra son parti et appareillera quelques jours après pour le Nord-Amérique. Dieu et les esprits lui soient en aide. Je demeurai dans une indescriptible surprise à la nouvelle d'un pareil projet, venu à la tête d'un homme que rien ne me prouve être malade ou fou. Fondée en 1859, la ville des esprits. C'est plus fort, me disais-je, que toutes les folies commises en ce genre par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'ignorance universelle faisait pardonner aux nations de l'Europe d'admettre des fées, des sorciers, des djinns, des lutins, des gnomes, des magiciens, des vampires, des poules piquets. Mais quand l'électricité porte la pensée d'un bout du monde à l'autre avec la rapidité de l'éclair, et même plus vite que l'éclair, qui est dépassé et relégué dans les musées d'artillerie, n'est-ce pas à confondre la prétendue sagesse des hommes que de voir un homme comme eux se détacher des lumières, des joies et des merveilles intellectuelles de la civilisation pour élever en Amérique, au fond de quelques déserts, une ville aux esprits? Mais y a-t-il une civilisation? Voilà. Y a-t-il d'autres âges que le Moyen-Âge? Y a-t-il des différences entre les âges, pour fixer les uns en haut, les autres en bas? Y a-t-il une science? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il même rien du tout? Je sais qu'aux États-Unis, il y a déjà la déplorable ville des Mormons, ville qui ne diffère guère de Sodome et de Gomorre. La ville des esprits, réunion de braves gens occupés des vocations, me choque infiniment moins que Utah. Elle ne me choque même pas du tout. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas être citoyen, de n'avoir pas le droit de me faire recevoir citoyen de Spiritville. Je croirais beaucoup, et croire même un peu est si beau. N'importe, il est bien étrange de voir une pareille idée germer dans la tête d'un homme et la graine de cette idée prendre et fleurir dans celle de plus de 10 000 autres individus. Car lorsque M. Aubinol assure que le président Arthur Daniel compte sur 10 000 adhérents, il reste au-dessous du chiffre réel. C'est trop modeste, il aura 20 000 spiritistes quand il voudra et où il voudra. Oh oui, cela est bien étrange, me disais-je, et j'étais loin, bien loin encore, d'avoir épuisé toutes les curiosités de ma soirée à Brighton. Cette soirée est si mal commencée. Laissons un instant le président Daniel et occupons-nous un peu du médium, assis là devant nous, dans son fauteuil rouge violent. Le médium, personne ne l'ignore aujourd'hui, au point où en sont arrivées les sciences kabbalistiques, est un être placé entre les hommes et les esprits pour transmettre aux esprits les demandes des hommes et aux hommes les réponses des esprits. C'est un milieu médium. Le médium de Brighton, celui de la grande séance à laquelle ma bonne étoile me donnait d'assister, était moins âgé de quelques années que le président Arthur Daniel, mais beaucoup plus haut de taille et moins fort d'embonpoint surtout. Ce n'était pas encore là le médium comme on le rêve. Sa maigreur laissait à désirer. Je ne fus content que de sa pâleur, vrai teint de médium, blafard sous deux yeux ternes comme deux lampes près de s'éteindre derrière les carreaux d'une lanterne de cabriolet. Des cheveux gris commençaient à panacher ses cheveux noirs, qu'il mettait une espèce de coquetterie à cacher sous les blancs pour paraître plus grave que son âge. Son nez ne répondait pas aussi bien à l'idée qu'on doit se faire d'une créature intermédiaire. Dans sa longueur surhumaine, il se portait beaucoup plus vers l'oreille droite que vers l'oreille gauche, ce qui était mentir à l'équilibre imposé en toute chose à un médium. Ce nez, inégalement penché, ressemblait à une voile triangulaire et donnait au visage de M. Ralph Doralph l'aspect pittoresque d'une barque qu'il voit. Moralement parlant, on prétendait qu'il le voyait beaucoup en ce moment, entre le désir de se marier avec une jeune et très riche veuve de Brighton, que mon ami Aubinol me montra sur l'une des premières banquettes, et son intention d'accompagner en Amérique, en qualité de médecin, son président, l'honorable et rouge M. Arthur Daniel. Des railleurs, il y en avait aussi à la séance de spiritisme, m'assurèrent qu'il ne faisait que semblant de le voyer entre l'Amérique et la belle veuve. Pour peu que celle-ci lui eût dit « restez », jamais M. Ralph Doralph n'eût songé à aller exercer la médecine dans la ville des esprits. Mais la veuve Augusta Morris n'avait apporté jusqu'ici aucun empressement à prononcer cet impératif si doux. Et dès lors le médium, pour cacher l'embarras de sa position, tenait à laisser croire qu'il hésitait entre l'amour et le spiritisme. On verra, par quel moyen tirer de sa double situation, il tenta, dans la séance même à laquelle j'assistais, de sortir d'une alternative fort inquiétante pour son ambition et son avenir. La séance va enfin s'ouvrir. Le président agite la sonnette. Après avoir appelé à l'Assemblée qu'afin de faciliter la discussion et éviter toute objection inadmissible en matière de foi, lui seul a la parole. Que lui seul prendra connaissance des réponses dictées au médium par les esprits, réponses que lui seul, pareillement, lira ensuite à l'Assemblée. Après ces divers avertissements conseillés par un vif sentiment d'ordre et de discipline, qui ne fut malheureusement pas toujours respecté dans le cours, par moments bien orageux de la soirée spiritique, M. Arthur Daniel dit avec une onction dont je n'aurais jamais cru capable un homme peu habitué au jeu des émotions, qu'il prie à les assistants de s'unir à lui dans une invocation à l'être suprême. Tous les assistants se levèrent, je les imitais. Nous priâmes donc en commun l'être suprême d'écarter de sa main puissante les esprits des ténèbres, pour ne laisser arriver jusqu'à nous que des esprits bienveillants, doux, bons, favorables. J'avoue à ma honte que je ne souhaitais pas tout à fait que ma prière fût exaucée. Je mourais d'envie d'entrer en communication médiate ou immédiate avec quelques esprits des ténèbres. Il y avait assez longtemps qu'on m'en parlait. On verra plus loin si j'eus lieu d'être satisfait dans mon attente. L'invocation à l'être suprême eut un assez bon résultat. Elle disposa l'assemblée à plus de calme, à plus de mysticisme. Jusqu'alors, elle s'était montrée bien nerveuse et bien turbulente. Je me trompais quand je croyais, étant peu au courant des séances de spiritisme, qu'après l'invocation à l'être suprême viendraient les évocations. L'ouverture avait son introduction. La première invocation fut suivie d'une seconde à un esprit supérieur. Chaque séance de spiritisme, je l'appris et je vous l'apprends à mon tour, se place d'un consentement unanime sous un esprit supérieur qui patronne les exercices de la soirée. Ceci n'a plus aucun rapport avec l'être suprême. On demande à cet esprit s'il veut bien venir assister à la séance. Fût-il dans l'étoile polaire ou dans l'anneau de Saturne, il est rare qu'il ne réponde pas invariablement oui par la main du médium. Éclaircissons bien cet endroit du récit afin que le lecteur n'éprouve ensuite aucun embarras dans l'intelligence des choses importantes qui vont se succéder. Les réponses des esprits se transmettent de la manière que voici. Le médium tient un crayon dont la pointe attentive effleure le papier blanc destiné à être couvert par les réponses. Le président fait à l'esprit une demande en son nom ou au nom de l'Assemblée, et après un temps plus ou moins long, rarement l'intervalle dépasse-t-il une minute, la main du médium court, rapide, d'elle-même, d'un mouvement automatique sur le papier, et la réponse s'écrit. Quand elle est écrite de cette manière mystérieuse, visible cependant à tous les yeux, le président la lit à haute voix, et le miracle est fait. Il arrive pourtant assez fréquemment, malgré une exécution rigoureuse dans cette manière de procéder, que l'esprit qui patronne l'Assemblée n'apporte pas de réponse ou ne reparaisse pas de longtemps. Voici dans quel cas et dans quelles circonstances cet accident vient s'offrir à l'étonnement des spectateurs désappointés. Le spiritisme n'admet pas la métempsychose, mais il admet la transmigration indéfinie des âmes dans d'autres corps humains. On ne devient pas cheval ou éléphant si l'on était avocat. Mais on devient avocat ou toute autre chose de médecin ou de cordonnier que l'on était. Les âmes parties ainsi du monde immatériel habitent 60 ans, 80 ans, plus ou moins, l'intérieur d'un individu. Quand celui-ci meurt, elles retournent à leur séjour spiritique et ainsi de suite pour toute l'éternité. Or, il se présente quelquefois ce fait. On a besoin de connaître ce qu'est devenu, ce que devient tel personnage mort depuis un temps quelconque. L'esprit part, le cherche et ne le rencontre pas. On en devine facilement la raison. Son âme est redescendue sur la terre et vit de nouveau de sa vie matérielle du passé. Ce changement de domicile imprévu entraîne des recherches et exige des informations. Voilà pourquoi l'esprit messager tarde à reparaître. Si vous insistez ensuite pour qu'il entre en communication avec l'âme absente, que fait-il ? Il enlève cette âme pour quelques instants au séjour de la terre, l'attire à lui et la soumet là-haut à toutes les questions désirables. Mais pendant ces quelques instants, il arrive que le corps, dépouillé de son âme, reste immobile comme dans le sommeil. C'est un corps sans locataire et sur lequel on pourrait, à la rigueur, mettre corps à louer, si sa vraie âme n'allait pas en reprendre possession une fois l'opération magique achevée. Voilà la base et le sommet du spiritisme est tel, du moins, qu'il nous a été donné de le comprendre et de le définir. « Messieurs, dit le président Arthur Daniel, nous prendrons pour patron de la soirée, si vous le voulez bien, Socrate, le grand Socrate. » Vingt voix partent en même temps écrit. « Non, pas Socrate, Platon. Non, Ben Jonson. Non, Hésiode. Non, Henri VIII. Non, Confucius. Non, Roger Bacon. Non, Aristote. Non, Thomas Becket. Non, Plutarque. Non, Cromwell. Non, Cicéron. Non, George Canning. » Chaque spectateur tenait à faire prévaloir le nom écrit sur le petit papier qu'il tenait. « J'insiste pour Socrate, » dit le président avec autorité. Socrate l'emporta. « Pourquoi Socrate ? » m'informai-je tout bas mon voisin, que je jugeais un fervent spectateur de la doctrine nouvelle. « Parce qu'il est le philosophe de l'Antiquité, » me répondit-il, « qui passe pour avoir été le plus intimement lié avec les esprits. » En effet, il avait son démon. « Je vous remercie, monsieur. »« Socrate, êtes-vous là ? » demanda à haute voix le président Arthur Daniel en interrogeant les quatre points cardinaux.